Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Si tu es gentille avec moi, je serai gentille avec toi. Qu'est-ce que Burman peut foutre avec ces mecs? C'est pas son genre. J'aime pas ça. Fais voir ton disque dur. Tu serais pas en train de me faire une crasse, toi. Il y a autre chose. Elle s'appelle Lisbeth Salander. Elle habite dans Lundagatan, à Stockholm. Tu nous la ramènes en bon état. Pas de problème. Où sont les derniers rapports? J'avais dit chaque mois. Tu dois les envoyer chaque mois. Bonsoir. Je cherche Dag Svensson et Mia Bergman. Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez à Salah. Alexander Salah. Salah. Il revient un peu partout dans mes histoires. Tout le monde semble en avoir peur, mais personne ne veut en parler. Quatrième épisode. Merci de me raccompagner. Pourquoi t'achètes pas une voiture? Parce que je travaille à 5 minutes à pied de mon bureau. Et de toute façon, avec ce que ton mec m'a fait boire d'aquavit, j'aurais pas pu conduire. Il y a 10 ans, il t'aurait servi de la Maretto. C'est ça l'intégration. En parlant de ça, ma belle famille t'a pas trop saoulé? Oui, enfin... juste italienne. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Je sais pas. T'as eu l'air pensif toute la soirée. Des petits soucis. Du genre? Il y a 2 ans, j'ai rencontré une fille qui m'a aidé dans l'affaire Wennerström. Et alors? Elle a disparu de ma vie sans un mot d'explication. Aucune nouvelle pendant 1 an. Et puis la semaine dernière, je suis tombé sur elle par hasard alors qu'elle se faisait agresser. Elle a réussi à échapper à son agresseur. Je lui ai couru après, mais elle a disparu. Ah. Et puis on est en train de préparer un numéro de Millennium qui va faire beaucoup de bruit. Je me demande d'ailleurs si je devrais pas te demander conseil et te prendre comme avocate. Me demander conseil? C'est nouveau. On enquête sur la prostitution et la violence faite aux femmes. C'est un domaine que tu connais bien. J'aimerais beaucoup que tu lises le texte avant qu'on l'imprime. On est encore loin? Tourne à gauche, là, c'est à 100 mètres. Tu sais, Michael, je ne t'en ai jamais voulu pour quoi que ce soit. Sauf une fois. Quand ça? Dans l'affaire Wennerström, justement. Quand t'as pris 3 mois de prison pour diffamation, tu avais besoin d'un avocat et tu ne m'as même pas demandé de t'aider. C'était un plan foireux. T'aurais rien pu faire. N'empêche, ça m'a fait de la peine. Je suis désolé, petite sœur. Attends-moi là, j'en ai pour 1 minute. Ok. Ça venait de cet appartement. La porte est grande ouverte. Des coups de feu? Oui, on n'ose pas rentrer. Laissez-moi passer. Dag? Mia? Non. Non. Non. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a des blessés. Qu'est-ce qui se passe? Alors? Appelez une ambulance, vite. Et la police. Surtout que personne ne rentre. Ne touchez à rien. Je reviens tout de suite. Je Mika. Qu'est-ce qui se passe? Mia. Dag. Assassiné. Oh mon Dieu. On les a tués d'une balle en pleine tête. Je crois que la nuit va être longue. C'est vous qui avez appelé le commissariat? Oui. Quel est votre nom? Michael Blomqvist. Vous habitez l'immeuble? Non, ce sont des amis à moi, je venais leur rendre visite. Et vous? Annika Giannini, je suis la sœur de Michael. Ce sont aussi des amis à vous? Non. Je dînais chez ma sœur ce soir. Comme j'ai pas de voiture, elle m'a accompagné jusqu'ici. Racontez-moi ce que vous avez vu. On s'est garé devant l'immeuble et je suis monté seul à l'appartement. J'avais juste des documents à récupérer, ça devait prendre une minute. Et ensuite? Il y avait tout un attroupement sur le palier. Les voisins avaient entendu des coups de feu, la porte était ouverte, je suis entré. Il y avait un silence terrible, ça sentait le soufre. Dag était allongé par terre. J'ai vu un énorme trou à l'arrière de son crâne, c'était horrible. On a trouvé une arme dans l'escalier, un Colt 45 Magnum, et des traces de sang sur les marches. Bon, ça doit être moi en redescendant. Il y en avait partout dans l'appartement. Et vous, madame, vous avez vu quelqu'un sortir de l'immeuble? Non, personne. Ça sentait le soufre. Ça veut dire que ça venait d'arriver. Je peux sortir? Je voudrais prendre l'air. On ne peut pas encore vous laisser partir. J'ai dit sortir, je veux juste prendre l'air, je me sens pas bien. Alors restez devant l'immeuble. Annika, tu viens avec moi? Abattus comme des chiens. Tu les connaissais depuis longtemps? Dag et Mia travaillaient sur la prostitution, le projet dont je te parlais dans la voiture. J'ai vu le visage de Mia arraché. J'ai vu le sang. Vous êtes Michael Blomqvist? Oui. Anita Nyberg, je suis inspectrice. Puis-je vous poser quelques questions? Il a déjà répondu à votre collègue. Je sais, s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est vous qui avez découvert les victimes, vous les connaissiez bien? Non, pas plus que ça, c'était des relations de travail. Et vous savez s'ils avaient eu des problèmes? S'ils avaient reçu des menaces? Non, pas à ma connaissance. Ils étaient en couple? Oui. Ça se passait bien entre eux? Mia allait soutenir sa thèse, il voulait un enfant. Ils avaient l'air très amoureux. Ils prenaient des drogues? Ça m'étonnerait. Ils ne fumaient même pas. Qu'alliez-vous faire chez eux en pleine nuit? Je devais récupérer des photos en urgence. Il devait partir demain matin, très tôt en week-end. D'après les voisins, vous êtes arrivé moins de 2 minutes après les coups de feu. C'est possible, il y avait encore une odeur de soufre dans l'appartement. Vous avez dû louper le meurtrier de quelques secondes. Peut-être. J'en sais rien. Je peux rentrer chez moi, j'en peux plus. Il reste des choses à éclaircir. Écoutez, mon frère est en état de choc. Il est épuisé et il a déjà répondu à toutes les questions qu'on pouvait lui poser. Je suis son avocate et j'estime qu'il est en droit de rentrer chez lui. Très bien. Je vous recontacterai plus tard. Bien, Michael, je te ramène. Jeudi 24 mars, il est 7h30, votre flash info, Sven Larsson. Nous l'avons appris il y a moins d'une heure, un couple a été abattu cette nuit à Stockholm, dans le quartier d'Enskede. Il était environ minuit lorsque des voisins, alertés par des coups de feu, ont immédiatement prévenu la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux. Les victimes, âgées d'une trentaine d'années, sont inconnues des services de police, et on ignore encore pour le moment les motifs de cet assassinat. Nous y reviendrons dans nos... Putain, c'est complètement dingue. Je sais qu'on n'a pas trop la tête à ça, mais il faut qu'on discute du livre de Dag. On est à 3 semaines de l'impression. On le publie toujours? Puis il y a autre chose. Dag et Mia ont été assassinés, le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être lié à quelque chose dans la vie de Dag et de Mia que nous ignorons. Ça peut aussi être l'acte d'un dingue, mais il y a des chances pour que ce soit à cause du bouquin et des gens qu'il met en cause. Tu crois vraiment que quelqu'un pourrait commettre froidement un double meurtre de peur qu'on apprenne qu'il couche avec des putes ? Je ne sais pas. Ce serait pas très malin, mais ils ont beaucoup à perdre si le livre paraît. Faudrait plutôt voir du côté des souteneurs. La liste de Dag était longue. Même s'il donnait des noms fictifs, il n'était pas très difficile de retrouver qui se cachait derrière. D'après ce que tu décris, Michael, le ou les meurtriers sont des vrais pros. Ça ressemble pas au portrait que Dag faisait de ses petits proxos. Tu penses qu'il faut être futé pour utiliser un flingue ? Écoutez, on est en train de spéculer sur un meurtre dont on ne sait rien pour le moment. Je suis inquiète. Si Dag et Mia sont morts à cause de leur enquête, il faut qu'on renforce la sécurité à la rédaction. Est-ce qu'il faudrait pas donner aux flics les vrais noms des souteneurs ? Peut-être. C'est pas évident. Les sources de Dag et Mia, c'était essentiellement des prostituées. Si on donne les noms des Macs, on les met en danger. Quel merdier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On publie ? Non, pas comme ça. Mais comment alors ? On repousse la publication. Je vais essayer de compléter tout ce que Dag n'a pas eu le temps de terminer. Il manquait encore des infos. C'est Mia qui avait toutes les données. D'accord. Malou, Christer et moi, on va cogiter sur le numéro spécial de Millennium. Il va falloir pondre un numéro complètement révisé. Michael, je voudrais aussi que tu réfléchisses à ce qu'on va dire à la police. Quelles infos on peut donner sans mettre en danger nos sources ? D'accord. Vous pensez vraiment que c'est le sujet de Dag qui est à l'origine des meurtres ? Ou la thèse de Mia, je sais pas. Mais c'est tout à fait plausible. Alors tu tiendras les rênes. Les rênes de quoi ? De l'enquête. La nôtre. Dag Svensson était journaliste et travaillait pour Millennium. S'il a été tué à cause de son boulot, ça nous regarde. Et je me sens responsable. Alors on essaye de savoir ce qui s'est passé, et c'est toi qui vas t'en charger. Tu repasses tous les documents de Dag au peigne fin. Tu trouveras peut-être le mobile des meurtres. Malou, j'aimerais que tu suives l'enquête avec Michael. D'accord. Henri, est-ce que tu peux travailler aujourd'hui ? Bien sûr. Appelle tous les collaborateurs de Millennium et dis-leur ce qui s'est passé cette nuit. Ensuite, tu appelleras la police pour voir où ils en sont. Essaye de savoir s'ils ont prévu une conférence de presse. Il faut qu'on sache tout ce qui se passe. Je vais aller voir au commissariat. On reste en contact toute la journée. La réunion est terminée. Allô ? Inspecteur Boublonski, Ekström à l'appareil. Bonjour, monsieur le procureur. Désolé de vous appeler si tôt et pendant vos congés, mais la situation l'exige. Que se passe-t-il ? Vous avez entendu parler du double meurtre d'Enskede ? Oui, à la radio. Je crois que ces meurtres ne sont que la pointe d'un iceberg. C'est-à-dire ? La femme était chercheuse en criminologie. Elle allait soutenir une thèse sur la prostitution et le trafic des femmes en Suède. L'homme était journaliste et travaillait à peu près sur le même sujet. Elle était dangereuse pour le milieu, la thèse ? Possible. Vous pouvez interrompre vos vacances ? Je voudrais vous confier la direction de cette enquête. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes le meilleur. Quoi d'autre ? C'est un journaliste qui a trouvé les corps. Aïe. Les médias ne vont pas nous lâcher. Et vous savez qui ? Michael Blomqvist, de Millennium. Oh là ! Comme vous dites. Alors ? Je rentre à Stockholm dans la journée. Priorité maximum pour cette affaire. On vous affecte tous les moyens nécessaires. Vous serez assisté de Kurt Moninder et Hans Fasté. Fasté ? Je m'en passerai bien. Il est expérimenté et compétent, mais comment dire... un peu lourd et très égocentrique. Je me charge de le rappeler à l'ordre si c'est nécessaire. On détachera aussi Jarker Holmberg. C'est un technicien hors pair pour faire parler les scènes de crime. Je voudrais que Sonia Modig fasse partie de mon équipe. Elle n'est pas un peu jeune ? Je ne trouve pas. 39 ans. Elle est surtout intelligente et expérimentée. J'ai confiance en elle. Choisissez qui vous voulez, mais faites vite. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai demandé à l'inspectrice Anita Lieberg et au commissaire Martensson d'assister à notre réunion. Ils sont arrivés les premiers sur les lieux du crime. Anita ? Je vous ai apporté des photos, si vous pouviez les faire circuler. L'enquête technique est toujours en cours. Mais voilà comment on peut résumer les événements. Un peu avant minuit, un inconnu réussit à s'introduire dans l'appartement d'Anskede sans effraction et sans alerter les voisins. Il tue le couple et s'enfuit sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Nous ne savons pas encore si le Colt Magnum qui était dans les escaliers est l'arme du crime. Nous avons aussi retrouvé un fragment de balle dans la cloison, celle qui a touché Dag Svensson. La balle qui a tué Mia Bergman est tellement fragmentée qu'elle n'est pas exploitable. Fasté. Un Colt Magnum, c'est un putain de revolver de cowboy. Yarker, on a son numéro de série? Pas encore. Tout ça est au labo. Martenson, votre avis? C'est une exécution par un meurtre ordinaire. Je pense que le tueur était seul et qu'il avait une très bonne raison de tuer. Il a dû agir très calmement. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? L'appartement était propre et bien rangé. Pas de cambriolage apparent, pas de violence ou de traces de lutte. Seulement deux balles ont été tirées et elles ont atteint leur cible en pleine tête. Avec une grande précision. Nous avons fait une simulation. Voici le plan de l'appartement. L'homme a été tué presque à bout portant, sans doute en premier. Le tireur n'a pas bougé, il a tiré sur la femme qui se trouvait à l'autre bout devant la porte de sa chambre. Elle a essayé de se détourner, la balle l'a touchée sous l'oreille gauche et est sortie juste au-dessus de l'œil droit. Visiblement, il ne s'est même pas approché de sa seconde victime. Il était sûr de l'avoir abattu sur le coup. C'est certainement quelqu'un habitué à manier des armes. Et c'est ce qui expliquerait la rapidité de tout ça. Exact. Juste après avoir tiré, le meurtrier a quitté l'appartement. Descendu les escaliers, jeté l'arme et disparu dans la nuit. Blomqvist et sa sœur ont dû arriver moins d'une minute après. Le tueur a pu sortir par la cave. Il y a une entrée de service qui donne dans la cour derrière. Mais il lui aurait fallu la clé. Et ce serait possible, ça? La porte a été ouverte? Non. Pourquoi un type qui semble avoir du sang-froid abandonne son arme sur le lieu du crime? Il nous laisse un indice. Martenson, qu'est-ce que tu penses de Blomqvist? Il semblait très choqué, mais il a agi avec discernement. Son témoignage tient la route et ça sera tout confirmé. Je ne pense pas qu'il soit mêlé à l'affaire. C'est un journaliste connu. Je sais, cette affaire va faire beaucoup de bruit. Et on doit la résoudre au plus vite. Yarker, tu retournes sur les lieux et tu cuisines les voisins. Fasté et Bolinder, vous épluchez la vie des victimes. Qui elles sont, leurs amis, fréquentations, tout ce que vous pouvez trouver. Sonia, tu travailles avec moi sur les témoignages de cette nuit et tu établis l'emploi du temps des deux victimes dans leurs dernières 24 heures. Okay. On se retrouve vers 14h30. Voilà, tout est là, Michael. Une trentaine de dossiers, des sous-dossiers en pagaille. J'ai trouvé aussi le fichier dans lequel il y a les noms de toutes ces sources. Ça doit faire plusieurs milliers de pages en tout. Ah oui, 4 années de travail. Bon, fais une copie sur ce disque dur de toutes les données sensibles. Je le rangerai en lieu sûr. Et tu les supprimes de l'ordinateur. Mais pas dans la corbeille. Passe par le programme Burn qui est sécurisé. Ok. Tout le reste, on photocopie. Ça va nous prendre des heures, mais on n'a pas le choix. On se partage les documents et on les épluche chacun de notre côté. Boublanski à l'appareil. Bonjour, docteur Granlund du labo. Vous avez du nouveau? Les analyses sont toujours en cours, mais j'ai une info pour vous. L'arme est un Colt 45 Magnum fabriqué aux États-Unis en 1981. Ah. Un expresso, s'il vous plaît. C'est bien elle qui a servi à tuer le couple. L'arme est légale? Vous avez un numéro de série? Ouais, mais on a mieux que ça encore. On sait à qui elle appartient. Un certain Nils Burman, avocat, membre du club de tir de la police. Il l'a acheté en 83. On a son adresse. Intéressant. Déjà une piste, comme on dit dans les films. On a aussi trouvé plusieurs empreintes sur l'arme. D'au moins deux personnes différentes. Deux personnes? On peut imaginer qu'il y a celle de Burman, sauf si l'arme a été volée ou vendue, mais d'après nos infos, ce n'est pas le cas. On va vérifier. Et les autres? Pouce et index, main droite. Je peux même vous dire qu'il s'agit d'une femme. Ah bon ? Né le 30 avril 1978, arrêté pour coups et blessures dans le métro à Gramm-Lastan en 95. C'est là que ses empreintes ont été prises. Vous avez son nom ? Lisbeth Salander. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Quatrième épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blankvist, Emeline Bayard, Annika Giannini, Nicky Marbeau, Martenson, Anne Carte, Anita Nyberg, Marie Payen, Erika Berger, David Nathanson, Christer Malm, Pauline Moulin, Malou Eriksson, Geoffroy Guerrier, Henri Cortès, Alain Fromager, Richard Ekström, André Marcon, Yann Moublanski, Christopher Wright, Jerker Holmberg, Philippe Béraudeau, Anne Fasté, Philippe Bautier, Kurt Bollinder, Johanna Nizar, Sonia Modig, Nicolas Lekwang, Dr. Granlund. Et les voix de Vincent Pellegrini, Morissette Gourdon, Sonia Masson, Alexandre Boussabola, Jean-René Houdot, Claire Latreille, Brice Berrier, Jean-Claude Bonifay, Pierre-Stéphane Montagnier et Neta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.